Jacques Niclou, le harcèlement à l'école. Lu par Sabine pour audiocité.net avec l'aimable autorisation de l'auteur. Gros boudin. Alex, dépêche-toi, il est déjà 7h30. Tu vas arriver en retard à l'école. Oui, une minute, j'arrive. Après un passage à la salle de bain, puis à la cuisine pour engouffrer deux tartines tapissées de choco, Alex embrasse sa maman, quitte la maison et emprunte le trottoir qui le conduit à l'école. À peine est-il arrivé que la sonnerie retentit. Les rangs se forment, deux coups de coude aboutissent dans les côtes d'Alex qui reste impassible. C'est devenu une habitude. « Alors, gros boudin, tu pètes la forme, on dirait ?» L'entrée en classe se fait dans le plus grand silence, sous l'œil attentif de Madame Le Borgne. Alex s'assied à la place qu'elle lui a assignée en début d'année scolaire, le dernier banc. Il est le seul élève de la classe à ne pas avoir de voisin. Ses soi-disant camarades lui ont bien fait comprendre que c'est dû à son poids. La matinée terminée, arrive l'heure du repas de midi. Alex se lève pour aller chercher du potage. Quand il revient sur sa chaise, un morceau de boudin noir. La tablée éclate de rire. « Ha ha! Tiens, voilà du boudin! Mange, gros lard, c'est bon pour ta santé !» Le repas terminé, pendant la récréation, Alex s'isole dans un coin. Il n'a aucun ami, personne ne lui adresse la parole. Certaines filles lui font un doigt d'honneur, alors qu'en passant, des garçons crachent à ses pieds. Alex en a marre. Cela dure depuis 8 mois. Cette fois, il est bien décidé, il va en parler au surveillant. Sûr qu'il va intervenir. « Monsieur, je voudrais vous dire que... Plus tard, Alex, je suis occupé. » Alex n'est pas allé en classe l'après-midi. Il s'est sauvé et a pris la direction de la gare. Sur le quai, il a regardé les voies. Le premier train qui passait l'a happé. Dans une de ses poches, on a retrouvé un morceau de papier sur lequel il avait dessiné un cœur et griffonné. « Papa, maman, je vous aime. »